wish you'll marry me. I'm gonna be so happy for the rest of my life when my brand new baby is my brand new wife. Claudette, pretty little pet Claudette, never made me fret Claudette, but she's the greatest little girl that I've ever met. I get the best loving that I'll ever get from Claudette. Filez donc les Everly Brothers, Claudette, un titre piqué à Roy Orbison et que ce dernier inscrira d'ailleurs quelques années plus tard à son répertoire. Naissance de Lio le 24 juin et de Marc Lavoine le 6 août, nous sommes en 1962 et pour Lucky Blondeau, bien c'est merveilleux. Depuis que je t'ai rencontré, mon cœur, je sais que ma chance est égale à mon bonheur. C'est merveilleux, oh, c'est merveilleux. Et notre amour chanté peut se lire dans nos yeux. Comme on se ressemble, tu es comme je suis. Tous les deux ensemble, nous allons dans la vie pour cueillir l'amour que nous offrent les beaux jours. Tu ne pourras jamais oublier mon nom. Il est gravé dans ton cœur avec cette chanson. C'est merveilleux, oh, c'est merveilleux. Tu es à moi pour toujours, au plus loin des cieux. Si parfois je tremble en pensant à nous deux, c'est parce qu'il me semble voir dans notre ciel bleu un nuage gris s'attarder sur notre nid. Mais tu souris et déjà il s'est enfui. Quand le soleil revient, nos cœurs chantent avec lui. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Nous nous aimons encore plus, au plus loin des cieux. Sont 6, 4 frères et 2 sœurs. Ils sont d'origine malgache. Allez, vous avez deviné, il s'agit des surfs. Bravo, vous avez gagné le droit de revenir en deuxième semaine et dans un deuxième temps, celui de les écouter. Les surfs sur Radio Gemozo, clac, tap. Avec une main droite, clac tap, tu tapes sur ma main en croisant le bras gauche, tu tapes sur ma main gauche, tap clac, tap ta main en croisant le bras droit, pour taper sur ma main droite, tap clac, ainsi de suite, en chantant cette petite chanson. Celui de nous deux qui jouera le mieux pourra ensuite aller plus vite. Ambiance.

But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry you on till the night is gone dance. And it's time to go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all you alone, can he take you, you home? Dance. You must tell him you no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance for me. Cliff Richards, Lucky Lips, c'est à venir. Et juste après, nous évoquerons sur Radio Game Ozo le hit parade de décembre 1961. Excellent après-midi. En tout cas, merci de nous accompagner. When I was just a little baby, didn't have many toys, but my mama used to say, son, you got more than other boys. Now you may not be good looking, and you may not be too rich, but you'll never ever be alone, 'cause you've got lucky lips. Lucky lips are always kissing, lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Now I never get heartbroken, no, I never get the blues. And if I play that game of love, I know I just can't lose. When they spin that wheel of fortune, all I do is kiss my chest. And I know I'm bound to win, yeah, 'cause I've got lucky lips. Lucky lips are always kissing, lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Oh, lucky lips are always lucky lips. Lucky lips are never blue. Lucky lips, lucky lips will always find. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Oh, oh. Oh, oh. Votre radio, télé branché avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Mmh.

est belle et tu aimes le twist, le twist. Lorsque tu le danses, Dieu quelle élégance. Ouais, la chance m'a fait de l'œil et je pense avec orgueil que je suis gâté. Woo! Car tu es jeune, oh tu es belle et tu aimes le twist, le twist. Ouais, qui n'a pour unique plaisir que de lire ou de dormir, mais je peux sourire. Ouais, car tu es jeune, oh tu es belle et tu aimes le twist, le twist. Le twist. Comme c'est bon de voir ton corps qui se balance devant moi. Ta taille souple qui ondule, même étant tous mes états. T'as un caractère parfois très amer. Ouais, tu n'es pas sentimental. T'as l'air d'un jeune animal, mais ça n'est égal. Ouais, car tu es jeune, oh tu es belle et tu aimes le twist, le twist. Et tu aimes le twist, le twist. Et tu aimes le twist, le twist. Et twist. Johnny Hallyday, Wap Doo Wap, 23e en ce mois de décembre 1961. Juste derrière les chats sauvages de Dick Rivers qui occupent tout naturellement, eux, la 22e place du hit parade avec Tu peins ton visage. Chérie, oh chérie, comme tu as changé. Avec du noir, du rouge, du bleu, sur tes joues, tes lèvres et tes yeux, tu as l'air d'une cannibale, un ombre d'une fille que j'emmène au bas. Du pain, du pain, à ton visage, du pain, du pain, à ton image, tu confonds la foule en terre, la route de nos gens et le sentier de la guerre. Pour te prendre un baiser au vol, je mets du rouge plein mon col, et au lieu de celle que j'aime, je n'embrasse qu'un masque de poudre et de crème. Tu lui peins, à ton visage tu peins, à quel dommage. Je sais d'autant plus impardonnable que tu as 17 ans et la beauté du lieu. Que plus en fait que quelques plumes sur la tête. Tu pourrais même y ajouter un bagne autour des reins et un anneau dans les. Tu peins, tu peins, à ton visage tu peins, tu peins. Quel dommage, je sais d'autant plus impardonnable que tu as 17 ans et la beauté du diable. Ne pense pas que ces peintures que tu te mets sur la figure vont inciter au badinage. Je te ferai plutôt un bon débat brouillage. Tu peins, tu peins, à ton visage tu peins. Quel dommage, hâte-toi de revenir, la fille de la guerre dont les souvenirs. Tu peins, tu as ton visage, tu peins, tu as. Quel dommage, hâte-toi de revenir, la fille de la guerre dont les souvenirs. Tu peins, tu as. Juste après les Chats Sauvages, un autre groupe de rock français, les Chaussettes Noires, deuxième du hit parade de décembre 1961 avec Dactylo Rock. Un petit monde que le sieur Eddie Mitchell connaît bien, puisque avant de devenir le chanteur leader du groupe, il était tout naturellement garçon de course au Crédit Lyonnais. On y va pour Dactylo Rock ? Oui ! Ouais ! Alors attention les gars, 1, 2, 3 4. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez des tigri-tigri-di, dactylo-rap, tigri-tigri-di,

put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, they bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and he died last spring. And now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge. Bobby Gentry, Ode to Billy Joe, avec le twist de Schubert, démarcation de la truie de Schubert, avec ses Danny Boy et ses pénitents que nous allons retrouver. Un jeune homme romantique, mais qui savait ce qu'il voulait. Éveillé à la musique, la dame qu'il aimait. Comme elle avait des goûts d'artiste et courait les concerts, elle lui dit mais c'est le twist de Schubert. Elle lui dit mais c'est le twist de Schubert. Face à face on balance, le pied gauche en avant. Sur place on recule, on avance et l'on se quitte et l'on s'attend. Fini les rêves nostalgiques, tout au long des longues nuits d'hiver. Tout s'arrange avec le twist de Schubert. Tout s'arrange avec le twist de Schubert. Les femmes sont bavardes et la petite en papotant a mis sans y prendre garde tout le monde au courant. Alors les joyeuses et les tristes, les bas-bleus, les barrettes ont voulu danser le twist de Schubert. Ont voulu danser le twist de Schubert. Moi quand je prends le rythme, je pense à d'autres jeux. Et si je deviens romantique, c'est que c'est bon d'être amoureux. Jamais, jamais je ne résiste à l'appel du ciel et de l'enfer. C'est vrai, je suis fou du twist de Schubert. Ouais, je suis fou du twist de Schubert. Le twist de Schubert. Le twist de Schubert. Voilà le twist de Schubert, Danny Boy et ses pénitents. En 1963, sous son troisième 45 tours en solo, Eddie Mitchell nous gratifie de l'irrésistible Chain Gang emprunté à Sam Cooke. Une reprise qui ne trahit en aucune façon l'original, mais qui au contraire le magnifie. Sur ce titre d'ailleurs, Eddie Mitchell effectue des prodiges vocaux. Je ne vous dis qu'une chose, écoutez. Oh. Bienvenue sur Radio Gemozo. Dans une poignée de secondes, nous allons évoquer la carrière de celui que l'on avait surnommé le père tranquille du twist. Nous allons évoquer Richard Anthony juste après les Animals, Brighton Home Tony. Excellent après-midi. En tout cas, merci de nous accompagner sur Radio Gemozo. And that's not all I do for you. Diego Mozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Richard Anthony est né le 13 janvier 1938 au Caire. Ricardo Bech, c'est son vrai nom, est le fils d'un industriel turc installé au Caire et le petit-fils d'un ambassadeur anglais. À 13 ans, il arrive en France. À 18 ans, il possède ses deux bacs et son accent étranger a disparu. Il cesse ses études et à 20 ans, il est représentant en électroménager. Comme tous les jeunes de son époque, il est amoureux tout d'abord de la ravissante Michelle, sa fiancée, et d'une nouvelle musique venue des États-Unis, une musique qui fait fureur en Angleterre, le rock'n'roll. En septembre 1958, Richard Anthony enregistre sa voix sur un disque de Polanka. Il propose sa bande à Jacques Poisson de chez Columbia. Et le mois suivant, il signe son premier contrat. En novembre 1958, il épouse Michelle et sort son premier 45 tours. La France n'étant pas encore prête pour ses rites modernes, il faudra attendre octobre 1959 et l'enregistrement de Nouvelles Vagues pour obtenir le succès tant attendu. On peut alors considérer que le premier tube yéyé vient de naître. C'est en juillet 1962 que Richard Anthony atteindra le sommet de sa gloire avec J'entends siffler le train, un titre qui se vendra à plus de 3 millions d'exemplaires. En 1969, dernier tube pour Richard Anthony avec le sirop typhon. Les merveilleuses années 60 semblent s'éteindre que déjà 70 pointent son nez. Le début d'une longue série d'ennuis pour Richard Anthony qui a vécu trop longtemps au-dessus de ses moyens. Si l'on fait le point, Richard Anthony aura vendu tout de même plus de 35 millions de disques et mené une vie de milliardaire. En 1982, le fisc lui enlève une grande partie du produit de 20 ans de travail et le père tranquille du rock passera même de nuit en prison. Cela n'empêchera pas qu'il laissera sa trace et sa place dans la musique des années 60 puisque actuellement il tourne avec la musique à la tournée Achetendre et Tête de bois. Richard Anthony sur Radio Gémozo, c'est maintenant.

chaque été d'un beau rouge sans les roses. Mon amour sèche de fontaine, mon amour au soleil, au vent de la plaine et aux années qui vont passant. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus, la fleur au cœur, les pieds nus, le pas lent et les yeux éclairés d'un étrange sourire. Musique des années 60. Dansez le turkey trot. C'est la nouvelle maro. Pour être dans la note. Dansez le turkey trot. Ma soeur le joue et s'est mariée. En sautant tout d'un coup d'un pied sur l'autre pied. chouchou, dama dama didali, chouchou, dama dama didali. Son mari qui voulait un faire au pas, se mit pendant dîner aussi comme après de moi. Allez voyant danser comme ça, c'était charmant. Et toute la demoiselle autour de battait des ailes. Alors les invités, chouchou, dama dama didali, se mirent à dandiner, chouchou. Sur le pas du dindo, bien plus facile encore que le poste. Sous ma scène, vous pas vous mettre dans l'anneau. Yé yé yé yé, t'as fait le tour qui drop. Cantrilli, comme comme trilli. Un joli petit visage plein de taches de rousseur, des cheveux roux coupés courts. Rita Pavone a 16 ans et chante le Turkey Trot, une nouvelle danse que Little Eva a tenté de lancer, mais sans grand succès. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, no, no, no, no, no, no. Don't play that song for me. It brings back memories of days that I once knew. The days that I've spent with you. Don't play that song, Benny King, c'est l'original, pas cette chanson. La version française est interprétée par Johnny Hallyday et ça donne ceci. Pas cette chanson, pas cette chanson, pas cette chanson,

messieurs que l'on nomme grand. My lord's names are great. Je ne veux pas la faire. I don't want to that. Je ne suis pas sur terre. I'm not on earth. Pour tuer les bons gens. To kill my mouse. Messieurs que l'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, comme un homme grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. Il faut pas vous fâcher, mais il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des frères, j'ai vu partir des pères et des enfants pleurer. Les nerfs ont trop souffert quand d'autres se gambergent et vivent à leur aise malgré le goût du sang. Il y a les prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur chemin passé. Demain de bon matin, je fermerai la porte au nez des années mortes. J'irai par le chemin. Je m'envierai ma vie sur la terre et sur l'onde du vieux bon nouveau monde. Et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère. Les hommes sont tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs bonhommes grands. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je serai sans armes. Et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Avec cette reprise du déserteur de Boris Vian, à l'instant c'était Listen Light. C'est le moment de ranger nos bons vieux vinyles en 45 tours et de se fixer un nouveau rendez-vous. Notez-le, ça sera dorénavant le lundi. N'oubliez pas non plus la rediffusion dimanche entre 10h et midi de l'émission d'aujourd'hui. Excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Guémozo. Salut les 60, merci de votre fidélité. Papa do Willie.